Bonsoir à tous, et voici la nouvelle émission de Radio Gaga qui démarre avec Cécile et Pat et salut. Sans Harry. Non. Il est à pêche, je crois, ou piscine, je ne me rappelle plus. Il y a peut-être la grippe. Ouais, tant que c'est pas le coronavirus, ça va. Qui accueillons-nous ce soir, Cécile? On accueille Biod. C'est bon, j'ai l'accent, je l'ai. Oui, c'est bon. Biod. C'est pas Bod, c'est pas B-O-D-D. Oui. Non, Biod, c'est bon. B-O-D-D. Donc, bienvenue. Donc, nous avons la chanteuse qui s'appelle Astrid. Bienvenue. Merci, bienvenue. Elle est toute seule, normalement, ils sont quatre. Eh oui. Oui, ils t'ont tous lâché. Ils m'ont tous lâché. C'est des mecs. Vous êtes méchants, les copains. Mais c'est pas grave, tu vas te débrouiller. Oui. En tout cas, c'est l'émission de Biod. On va passer une heure ensemble, découvrir ce groupe stéphanois, et puis ensuite le fameux morceau live. Le fameux. Qu'elle a préparé pendant 3 mois. C'est vrai. Au moins. Et elle s'est entraînée avec Alex, hein, si j'ai bien compris. Mais je joue pas le même. On lui fait un petit coucou. C'était l'entraînement. Oui, c'est vrai, ça serait con que ça soit le même. Bah oui. Alors Cécile, tu voulais nous faire écouter quelque chose avant? Oui, un groupe parisien qui s'appelle Livingstone. En fait, c'est un CD qu'on a reçu à la radio. C'est l'avantage de traîner dans les radios. Et oui. On récupère 2-3 trucs sympas. Et on en reçoit beaucoup, mais on les écoute tous. D'accord. Et après, on les passe. Ou pas. Ceux qu'on aime. Voilà. Donc lui, je vais le passer parce que j'ai bien aimé. C'est un groupe parisien, donc blues rock. Ils ont fait tourner aux États-Unis et tout. Ils tournent pas mal. Et là, c'est leur deuxième album qui est sorti en 2019 avec le titre Nowhere Feels Like Home. Il a un petit, je sais pas, il doit durer 5 minutes, je crois. D'accord. Ouais. Ce soir, je crois que c'est soirée à thème 5 minutes. Ah ouais, c'est vrai. J'ai vu ça. Donc c'est parti. Ouais. Tired, hurry. feels like home, so get on. Heureusement que je surveille mes tablettes, parce qu'il ne durait pas 5 minutes celui-là. Il durait combien ? 3 minutes 30. Ah merde, d'accord. Voilà. T'as bien fait de surveiller. T'avais bien préparé. Ouais. Hein. Tu voulais essayer de me piéger, c'est ça ? Non, mais c'est moi, je me suis emmêlé les pinceaux. Mais c'est pas... Donc nous sommes avec Beaud et nous allons faire connaissance avec ce groupe Beaud. Donc présentation Astrid. Alors, on commence par... Non, mais c'est compliqué, tu peux pas lui dire ça comme ça. Bon, bah, pourquoi ce nom alors ? Pose-lui une question. Pourquoi ce nom ? Alors, bon, le bi, c'est pour le mot être en anglais. Et odd, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire étrange, bizarre, impair. Ça veut dire plein de choses. Et à la base, c'était surtout le mot odd qui nous plaisait. On avait à la base un univers très Tim Burtonien aussi. Et bon, ben, par plein de noms différents qui sont passés, ça s'est fini par Beaud. Voilà. Ok, bien. C'est cool. On aime bien connaître l'histoire des noms, parce que des fois, il y a des trucs complètement fous qui sortent. C'est très dur de trouver des noms. Ouais, et puis il y a un nom que quand tu vas taper, c'est pas. Voilà. Hein, t'arrives pas en cinquième position. Mmh. C'est ça. Et du coup, vous avez deux EP. Oui. Et le premier est sorti en 2016, c'est pas tout jeune ça déjà. Ouais. Non mais ça veut dire qu'il y a une histoire déjà dans... C'est pas faux. Oui, le premier il est sorti en 2016 et bon après c'était tout autoproduit, fait maison, de l'enregistrement à tout. À la pochette, machin. Voilà. Et c'est vrai qu'on s'est pas mal détaché du premier EP parce qu'il y a plus que deux chansons si je me trompe pas quand on joue encore. Donc oui, c'est l'évolution aussi du groupe. Ouais. Mais puis c'était un peu le fourre-tout du moment. On a ça comme morceau, on les enregistre, mais ils n'avaient pas forcément d'unité et moins de direction quoi, quand même. Ouais, c'était un premier jet, quoi, on va dire. Voilà. Et vous avez tourné pas mal, Paris, Lyon, Reims. C'est cool. Ouais, je vais quand même dire du bien des autres, même s'ils sont pas là. C'est grâce quand même à Michel, notre guitariste, qui a fait un énorme travail de booking. Ouais, ça prend du temps, ça. Ouais. Et donc ouais, on a pu. Bah, ça a vraiment fait du bien. On a fait d'un coup plein de concerts, et ça nous a permis aussi de savoir ce qu'on aimait, ce qu'on aimait pas en live aussi. Ouais. Et ouais, ça pendant 2 ans, du coup, on a fait ça. Et donc là, on s'est un peu calmé l'an dernier suite à beaucoup d'imprévus, on va dire, dans le groupe, d'imprévus personnels qui faisaient que c'était compliqué de tourner autant. Mm. Et donc, on espère pouvoir s'y remettre un peu plus en septembre. Là. Ouais, bah oui, avec plaisir en plus. Bah oui. Donc, le mieux pour découvrir Beaud, c'est d'écouter. Donc, tu nous proposes un morceau du dernier EP qui s'appelle... J'ai dit lequel en premier ? Flying Dreams ! Oui. Ah, c'est, oui, parce qu'en fait, c'est celui que j'ai joué en acoustique la dernière fois que je suis venue ici. D'accord. Il n'y a pas longtemps en plus. Donc maintenant, pas en acoustique. Voilà, je me suis dit que ça... Et un morceau qui dure 5 minutes. Au moins. Ouais. Au moins. C'est la moyenne. Beaud sur Radio Dio. Thank you. Et nous sommes toujours sur Radio Duo dans l'émission Radio Gaga avec le groupe Beyond qu'on vient d'écouter à l'instant. Oui, je me rappelle de la question que je voulais te poser. Parce que Cécile, elle pose les questions, mais hors antenne. Et du coup, je lui dis, mais attends, ça passe pas. C'était, est-ce que c'est toi qui es à l'initiative du projet Beyond? Oui, mais après, ça a évolué, on va dire. Enfin, à la base, c'était mon projet de conservatoire, en fait, pour passer mon diplôme en conservatoire. Et le projet est devenu un vrai groupe où tout le monde a plus sa place et du coup maintenant on est un groupe quoi. Oui, ok. Et je voulais te demander aussi depuis quand tu chantes du coup parce que tu fais partie, enfin tu as ou tu fais partie. Une question qu'elle ne s'attendait pas. C'était pas préparé, hein, t'as vu, on est, oui, on coup, est nature. Tout, hein. J'ai toujours pas la bonne réponse. C'est vrai, mais il n'y a pas de bonne réponse. On parle pas de quand tu chantes sous la douche. Voilà, mais quand vague sujet. J'ai des groupes depuis que j'ai 15-16 ans, voilà, mais bon, les vidéos resteront bien cachées parce que j'ai un peu honte. En fait, j'ai commencé à prendre des cours de chant vers 16 ans et voilà, mais bon, moi j'estime que je chante depuis, vraiment, depuis, je sais pas... 4 ans. Ah oui, d'accord. Depuis non, le début de Biode, alors. Ouais, mais ça a commencé avant même Biode, puisque c'était quand je faisais mon diplôme au conservatoire. Mais avant ça, j'avais beaucoup de problèmes de stress en live et je gérais pas assez ma voix, donc du coup, Ça partait. J'étais pas satisfaite. Bah, moi, j'étais pas satisfaite. Bon, je le suis toujours pas, mais ça va maintenant. Mais c'est vrai que souvent. Tu arrives à l'accepter. Maintenant que je dis que je chante. Souvent, on oublie que la voix, c'est un instrument et donc une technique. Hein, et ça s'apprend, ça se travaille. Oui. Mais après, ça dépend de ce qu'on fait aussi. Je veux dire, on peut faire un style où il n'y a pas besoin d'avoir une super grosse technique. Et, non. Et d'être que dans on en passe de temps en temps ici. Des chansons bien, bien bourrines. Fais gaffe, il faut de la technique. Ah, mais ça, pour il faire faut ça, de la technique. Hein. Si, moi je suis d'accord avec elle. Bon. Alors, je dis plus rien, non, mais je dis plus rien. Ah, si, parce que c'est d'ailleurs une technique que moi j'aimerais savoir maîtriser et que je ne maîtrise pas encore. Et... ça peut être simple. Autre question pendant qu'on y est. Qui compose, qui écrit les textes? Alors, dans quel ordre ça se fait? Musique, parole, musique? Il n'y a pas véritablement d'ordre parce que ça dépend des chansons, mais on compose tous plus ou moins. Parce que tu es musicienne aussi. Oui, un peu. C'est pas grand mot. Je sais depuis quand tu es musicienne? Pardon. Ah, par contre, bah, ça, je pense depuis longtemps, mais bon, pareil, pas professionnel. On va dire que je joue du piano depuis que je suis petite et tout ça, mais puis de la guitare depuis 2 ans, je crois. De la guitare, un petit peu, je gratouille. Mais du coup, dans le groupe... C'est assez aléatoire. Maintenant, ça part beaucoup d'un petit riff de guitare. Et on travaille tous ensemble. Et moi, je fais tout ce qui est arrangement et puis je fais les paroles. Sauf occasionnellement quand ils me donnent des idées, quand même. Parce que, comme maintenant, ils chantent, les garçons, de temps en temps. Et ils participent un petit peu. Mais voilà, majoritairement c'est des petites idées de guitare de Michel et on brode dessus, mais c'est assez aléatoire parce que oui, voilà. Y a pas de... non, c'est pas une personne tout le temps, voilà. Et alors c'est toi qui écris, tu écris en anglais? Oui. Alors la question pourrie, pourquoi t'écris pas en français ou en espagnol, c'est pas bien. Ou en russe, en portugais, en allemand? Je trouve que l'anglais sonne mieux. Et puis, c'est ce que j'écoute, en fait. Moi, dans ce que j'écoute, je connais peu de groupes en français qui feraient la même chose ou que ça sonnerait. En fait, il y a des trucs en français j'aime bien, mais ça ne me fait pas spécialement... ça ne me donne pas envie de le chanter. Et c'est très rare que je tombe sur un groupe en français et que je dise « Ah ouais, moi, j'aimerais bien savoir écrire comme ça en français. » J'ai pas, en fait, j'ai même pas d'exemple. Donc, comme depuis que je suis petite, j'écoute des trucs en anglais... c'est ça qui me parle. Et puis techniquement, en chant, c'est pas pareil de chanter en français et en anglais. Enfin, sur la voix. Donc, moi, ça me parle mieux. Oui, ok. Et est-ce que, donc, comme c'est toi qui écris, les thèmes abordés dans les chansons Alors. alors, j'écris, mais des fois. T'as le droit d'avoir un joker si tu veux. Je me donne des idées. c'est marrant, j'ai parlé de ça il y a pas longtemps. Avec une amie, si jamais elle écoute, petite dédicace. On disait que c'était toujours plus facile d'écrire des trucs qui sont pas bien que des trucs qui sont bien, que quand on est content, on n'arrive pas à écrire, qu'il faut être pas bien pour écrire. Donc c'est quand même majoritairement ouais, des textes pas forcément des plus gays. Mais après, il y a quand même des choses plus générales. Bon, bah, enfin, général, c'est pas gay non plus, mais genre, il y a un morceau que je vais faire tout à l'heure qui est sur la dépendance, la drogue, tout ça. voilà. Okay. Des histoires d'amour pas cool. Mais la vie, quoi. La vie, quoi. Mmh. Mais des fois, il y a des histoires d'amour qui sont cool. Hein. Oui. C'est pas forcément très politique ou quoi. Quoique, pour le prochain EP, on envisage des choses un peu plus... Engagées. Alors, pas engagées politiquement, plus sociétalement, on va dire. D'accord. Ok. C'est beau. Bah, super. J'ai une réponse, je suis content. Eh bien, moi, je vous propose d'écouter un autre groupe stéphanois. Il vient de sortir son premier EP, un album éponyme. Il s'agit de Panic Party. Et ils sont en concert la semaine prochaine au Phil, en première partie de Psychotic Monks, si j'ai bien révisé. Oui, c'est ça. Bon, et ben on les écoute. Oui. Dead Fantasy avec le groupe Panic Party. Nous sommes de retour dans l'émission de Radio Gaga avec Cécile et Behold. Ouais. Oui, t'avais pas préparé des questions? Non, on discutait là, on discutait bien. Et donc? Eh ben, on se disait qu'on se disait que Kokomo et Bottle Next qui passent au mois de février. Rappelle-nous, à Romans-sur-Isère, on se disait qu'on se nous disait bien. Ben oui, parce qu'on aime bien les deux groupes. Exact. Qu'on passe régulièrement d'ailleurs. Oui, faut qu'on passe quoi. Et puis, je vois que tu as devant toi le nouveau Bottle Next aussi, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Qui n'est pas ouvert. Et qui n'est pas ouvert, oui. On l'a eu dans la boîte, mais tu sais, on n'a pas fait d'émission il y a 15 jours, donc c'est pour ça. Ouais. Ça date. Je vais le garder. Ben oui. Voilà, c'est fait. Elle veut donc, Cécile de la radio, en fait. Cécile va te poser des questions sur les influences du groupe ou les coups de cœur. Comment ça marche alors, dans le groupe moi, alors déjà, comme tu es toute seule, la seule représentante du groupe, parce qu'il y en a un qui a eu un bébé apparemment, et il n'a pas honte de le dire. Eh bien, félicitations. Enfin, il y a un an quand même. Donc, oh. Mais on peut quand même le féliciter. C'est parce vrai. Parce que c'est peut-être pas que maintenant, il peut dormir. Parce que c'est pas fini. C'est pas que du bonheur. Alors... Et comme on dit, c'est à vie. Ouais. Et si on s'intéressait un petit peu. Bah oui, mais moi, je te suis, moi. Hein. T'es parti, je sais pas où, tu me parles de. De bébé. Voilà. Oui, alors comme tu es toute seule, on se demande, alors toi, t'es venue avec tes influences, mais est-ce que tu es quand même venue avec celles des autres? Ben. Ou pas. Mais t'as le droit de dire non. Bon, moi, j'ai pas compris la question, mais bon. Mais si, comme on avait des problèmes d'une de timing de chansons choisies et de support. C'est ah oui. En peu de temps. Je suis venue surtout avec les miennes, mais qui sont les leurs aussi. Enfin, mais en même fait, temps, t'es la seule à être venue. On a pris un morceau, de toute façon. Et, okay. Et puis, de toute façon, vu le groupe choisi, ils m'en voudront pas, normalement. Alors, c'est quoi, du coup? C'est Archive. C'est mon groupe phare. D'accord. Je suis ultra fan. Ouais. Voilà. Ok. C'est tout. Oui. Non, alors ils m'ont. En fait, on a plus parlé des musiques éventuellement à diffuser, mais en influence, chacun on écoute déjà tellement de choses. Enfin, des fois il y a des gens qui nous disent que ça se ressente, mais par exemple, on est plusieurs à écouter aussi du métal, des choses comme ça. C'est pas ce qu'on fait. Non. Mais du coup, voilà. Bottlenecks, par exemple, on adore. Mm-hmm. On a joué avec eux, mais ce qu'on fait n'a rien à voir. Ils m'ont mentionné Kidwise, qu'on voulait diffuser un morceau de Kidwise. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Ils sont français. Non, mais c'est l'occasion, justement. Mais oui, voilà. C'est pour ça notes. Qu'on demande aussi au groupe, parce mais que oui. C'est l'occasion de découvrir. Souvent, on nous apporte parfois des groupes russes, australiens, grecs. Et c'est sympathique de voyager en musique. Ouais, bah après, d'habitude, j'aime bien faire passer les copains aussi. Du coin. Alors, c'est qui les copains du coin? Comme ça, on leur fait un peu de pub. Il y a les Toads. Eh ben oui. Alors, on les a passés moult fois. C'est pas nos chouchous, hein? Non. Non. Il y a les Toads, plus récemment, du coup. Ah, bah oui, joli vinyle. Hein, n'est-ce pas? Ah, il est bien et il est. Ah, bah tu l'as pas récupéré? Non. Oui, c'est Harry qui l'a. J'aurais même pris deux. Non, plus récemment, là, il y a les copains, il y a Code Altes, du coup. Ah oui, mais oui, qu'on va recevoir bientôt. Ouais. Ah, bah en plus. Qui sont déjà venus chez Alex, il n'y a pas longtemps. Oui, la semaine et dernière, ou cette semaine, je ne sais plus. Ouais. Qu'on va recevoir aussi à notre tour. Voilà, c'est l'occasion de faire de la pub des groupes du coin. Oui, oui. Complètement, et c'est le but de l'émission, donc ça tombe bien. Donc on va écouter un groupe du coin qui est influencé, Archive. Ah oui, du coup. Au moins. C'est parti. We'll be right back. Voilà, c'était Archive sur Radio Duo 89.5 et nous sommes avec Astrid du groupe Behold. Toujours. Salut. Toujours. Il y en a peut-être qui se connaissent maintenant. Et oui, il faut toujours préciser. Voilà. Hein. Ouais. Et ben toi qui voulais parler des petits groupes locaux, machin, les petits groupes locaux. C'est bien parce que quand je dis les petits, en général, je réagis, mais bon, pas cette fois. Des groupes, voilà, du coin. Il y a un groupe qui s'appelle Negative Runners, que tu connais peut-être, punk rock. Alors, non, on me parle, mais non, je vois pas comme ça ce que c'est. Ouais, bah alors, tu auras l'occasion de les voir, si tu veux, le 28 février, ils jouent à la Gueule Noire à Bellevue, Saint-Thé. Et là, ils ont sorti un petit album de 8 morceaux. Ils ont sorti ça en janvier, là, il n'y a pas longtemps. Ah bah, même, c'était la semaine dernière. Oui, voilà, d'accord. Voilà, donc, ça, on voit bien, ils sont bien, bien énervés. Et du punk, comme on l'aime bien. Ah, du coup, j'ai choisi Bleed. Si tu veux. C'est parti. Negative Runners, un groupe stéphanois. Oui. Bon. Ils sont bons à Saint-Étienne. Ils sont bons, oui. On a bien fait d'être dans cette ville. Hein. Tu l'as fait exprès ? Non. Voilà. Mais aujourd'hui, l'actualité, puisque les Negative Runners, on les recevra prochainement. Hein. On est en train de caler ça avec eux. Ouais. Mais nous sommes avec Astrid, la chanteuse de Behold. Et nous allons découvrir un autre morceau du groupe. Mais avant ça, un peu d'actualité, des concerts en prévision. Alors, bah, ça tombe bien, on a calé un concert de dernière minute la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on jouera à la Farlodoise, à Chazelles-sur-Lyon, avec le groupe ODC. Onde de choc. Onde de choc, voilà. Ouais, c'est des petits jeunes de Saint-Thé aussi, ouais. Qui, je sais pas, ils ont 20 ans à tout casser. Ah, ils sont jeunes. Ouais. Et, enfin, alors moi, je les ai pas vus, mais j'ai écouté un peu ce qu'ils font et ça dépote quand même. Bon, peu, ouais. Ça dépote plus que nous, hein, par contre. Ça sera une salle, deux ambiances. Hein. Les gens le jouent, vu que ça adapte. Voilà. Oui. Voilà. Mais c'est bien aussi. Oui. Il en faut. Oui. Donc c'est noté pour la semaine. 21 février, donc. Voilà. Et après ça, en fait, du coup, on est en train de caler des dates pour la rentrée lointaine de septembre, en fait. Et qui sera bien, bien vite là, quand même. Oui, mais voilà, là, on est en mode composition. Il y en a un qui va partir pendant 2 mois, donc on cale tout pour la rentrée. Ok. Bon. Eh bien, on va écouter Back in Despair. Inside of my nous sommes toujours avec le groupe Behold et c'est le grand moment du live que va nous offrir Astrid avec un morceau intitulé Just One Try. Eh bien, c'est quand tu veux. Et c'est donc un extrait du premier EP, un qu'on joue encore. Just one moment of weakness, this one second. I let blackness enter my soul. It's enough to lose control, to fall apart into pieces, wondering where the peace is. I have to find something else. I've lost my mind, I've lost myself. Just one try. C'était Behold en live sur Radio Duo et nous allons enchaîner avec un autre morceau live, mais cette fois en vinyle avec un groupe punk comme on les aime, le groupe Idols au Bataclan en décembre 2019. C'est tout chaud, ça vient de sortir et ça fait du bien. This song is dedicated to my best friend and my father, who taught me what love and respect is. This song's for Nigel, and it's called Mother. I am a feminist. The best way to scare a toy is to read. Et vous êtes toujours sur Radio Duo dans l'émission Radio Gaga et on vient d'écouter un groupe que nous avions déjà programmé, un groupe toulousain je crois, oui. Cécile. Oui, Loud Anonymity. Et oui. Encore un truc qu'on a reçu à la radio. Et d'ailleurs on avait lancé un message, hein, si vous voulez les entendre à Saint-Étienne, les salles de concert, contactez-nous, on fera passer. Oui, on fera passer. Comme pour n'importe quel groupe d'ailleurs. Ben oui. En tout cas, Astrid, chanteuse de Biote, qui est toujours parmi nous, merci pour ce live. Oui. C'était vraiment... C'était pas simple, toute seule et tout. Ouais. Non, mais c'était bien. Mais il y aura une petite vidéo qui va circuler sur les réseaux sociaux. Oui, oui. Qui a déjà commencé. Oui, bah et oui. Puis le podcast, de toute façon, de l'émission aussi. Aussi. Pour ceux qui n'étaient pas là. Ouais. Pour ceux qui viennent là. En rattrapage, session de rattrapage. En tout cas, merci au groupe Biote d'être venu et... Merci aux représentants. Voilà. En tout cas, tu as bien représenté ton groupe. Ah, vous avez entendu les copains? Ouais. Non, mais heureusement que tu es là. Elle a assuré grave. Ouais. Faut pas la lâcher, hein, les gars, non. Parce que vous êtes morts sinon. C'est ça. Autant leur dire. Non, mais c'est clair. La prochaine fois, ils viendront. En tout cas, vous êtes les bienvenus dans l'émission Radio Gaga. C'est quand vous voulez, dès que vous avez une actualité, une nouvelle EP, faites-nous signe, il n'y a pas de souci. Ouais. Avec plaisir. Bon, eh bien, au revoir à tous. Rendre un petit hommage à Harry, puisqu'il n'est pas là. Il aime bien finir en douceur, donc du coup, je me suis dit, on va mettre un petit Tame Impala, qui qui vient de sortir récemment. Donc voilà. Okay. Ciao. Bonne soirée. À bientôt. Salut. Bye.